Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 18. Des conséquences de l'union hypostatique quant à la volonté du Christ. Diverses espèces de volonté dans le Christ. Il avait le libre arbitre. Conformité de sa volonté humaine avec la volonté divine. Point de volonté contraire. 1. Y avait-il deux volontés dans le Christ? Le Christ avait deux volontés, on le voit par sa prière du jardin des Oliviers, « Mon Père, si vous voulez, transportez ce calice loin de moi, cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la vôtre qui soit faite. » Luc 22, 42. Apollinaire, Petitchès, Nestorius, Macaire et plusieurs autres hérétiques ont prétendu qu'il n'y avait dans le Christ qu'une seule volonté. Mais le sixième concile général, tenu à Constantinople, a défini que l'on doit y reconnaître deux volontés. Voici ses paroles, d'après ce que les prophètes nous ont enseigné du Christ, d'après ce qu'il nous a dit lui-même, et conformément à ce que les saints pères nous ont transmis, nous proclamons qu'il y a dans le Christ deux volontés naturelles et deux opérations naturelles. Il ne saurait en être autrement, la nature humaine, que le Fils de Dieu a prise tout entière, n'est pas complète sans la volonté, l'une de ses facultés constitutives, et, d'un autre côté, le Verbe n'a pas abdiqué par l'incarnation sa volonté divine. Il y a donc dans le Christ deux volontés, l'une divine, l'autre humaine. Note. De ce que la volonté divine dirigeait à son gré la nature humaine, il ne suit nullement que celle-ci ne produisait aucun acte par sa volonté propre. La volonté des saints est parfaitement soumise à la volonté divine, qui opère en eux le vouloir et le faire, comme parle saint Paul. Le Christ conformait de même sa volonté humaine à sa volonté divine. La nature humaine était en lui l'instrument de sa divinité, mais un instrument mu par une propre volonté. Qui est-ce qui nie, demande saint Augustin, que la volonté de l'homme doive être soumise à la volonté de Dieu. Fin de la note. 2. Y avait-il dans le Christ, outre la volonté raisonnable, une volonté sensitive? Le Fils de Dieu, assumant la nature humaine avec toutes les parties qui constituent son intégrité, a dû prendre en même temps l'appétit sensitif, que l'on nomme sensibilité ou volonté sensitive, puissance raisonnable par participation, en tant qu'elle est destinée à obéir à la raison. Note. Quoi qu'il en soit, la volonté sensitive ne pouvant être appelée volonté qu'à raison de sa participation à la volonté raisonnable, on ne donne qu'une seule volonté humaine au Christ, là où une chose existe par une autre, on peut dire qu'il n'y en a qu'une. Fin de la note. 3. Y avait-il dans le Christ deux volontés raisonnables? La volonté, une en tant que faculté, produit de sorte d'actes volontaires. Elle se porte, par un mouvement simple que les théologiens appellent volonté naturelle, vers la fin comme à une chose bonne de soi, et, par un acte délibéré que les mêmes théologiens nomment volonté rationnelle, vers les moyens comme à une chose voulue pour une autre. Cette différence d'acte ne diversifie point la volonté considérée comme faculté. C'est pourquoi, s'il s'agit de la volonté en tant que faculté, il n'y avait dans le Christ qu'une seule volonté humaine, mais si l'on parle de la volonté comme acte, on peut maintenir la distinction entre la volonté naturelle et la volonté rationnelle. 4. Le Christ avait-il le libre arbitre? Puisque nous admettons dans le Christ la volonté rationnelle, qui se rapporte au choix des moyens, nous sommes forcés d'y reconnaître l'élection, et par suite le libre arbitre. Note. La volonté du Christ était fixée dans le bien, nous l'accordons, mais elle ne l'était pas dans tel bien particulier de préférence à tel autre, et c'est là qu'existait son libre arbitre. Fin de la note. 5. La volonté humaine du Christ a-t-elle été conforme en tout à sa volonté divine? Saint Augustin observe que, quand le Christ fait entendre ces mots, « Non ma volonté, mais la vôtre », il témoigne qu'il a voulu autre chose que ce qui était voulu par le Père. Nous venons de distinguer une double volonté humaine, la volonté sensitive ou volonté de participation, et la volonté raisonnable, divisée en volonté naturelle et en volonté rationnelle. Le Christ, par sa volonté sensitive et par sa volonté naturelle, qui repousse l'une et l'autre la douleur sensible et tout ce qui répugne à la nature, pouvait vouloir autre chose que ce que Dieu voulait. Mais, par sa volonté raisonnable, il voulait les mêmes choses que son Père, ainsi qu'il le déclare lui-même en disant, que, votre volonté soit faite et non la mienne. 6. Y avait-il dans le Christ des volontés contraires? Nous proclamons, dit le sixième concile œcuménique, qu'il y a dans le Christ deux volontés naturelles, mais non contraires, comme les hérétiques l'affirment avec impiété. La volonté humaine se conformait sans combat et sans résistance à la volonté divine, elle lui obéissait avec une soumission parfaite. Quoique la volonté naturelle et la volonté sensitive du Christ aient voulu autre chose que la volonté divine et la volonté raisonnable, il n'y a pas eu en lui contrariété de volonté. Premièrement, sa volonté naturelle et sa volonté sensitive ne repoussaient pas le motif pour lequel sa volonté divine et sa volonté raisonnable voulaient la passion, dès lors, sa volonté absolue voulait le salut du genre humain. En second lieu, sa volonté divine et sa volonté raisonnable n'étaient ni entravées ni retardées par la volonté naturelle ou par la volonté sensitive, et celle-ci, à leur tour, n'étaient ni désapprouvées ni ralenties par les deux premières. Il voulait, par sa volonté divine et par sa volonté raisonnable, que ces deux autres volontés éprouvent ce qui est conforme à la nature humaine. Note. Son agonie s'accomplit dans la partie sensitive de son être, elle ne s'étendit pas à la partie raisonnable de son âme, qui voulut toujours l'accomplissement de la volonté divine. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.